Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone d'Annie Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant d'abord de Samuel Girard qui a marqué un but hier dans une défaite de l'Avalanche du Colorado 3-2 contre les Oilers de Edmonton. Girard a marqué un but, a joué 22 minutes 31, a terminé le match quand même à 0. Donc c'est quand même un bon match hier pour Samuel Girard. De la grande visite hier à l'école Sainte-Lucie d'Albanel, l'Olympien Jean-Luc Brassard était de passage à Albanel où il lui a prononcé une conférence devant une salle quand même bourrée de jeunes, une salle de jeunes enthousiastes qui ont bien aimé le discours que l'ex-Olympien leur a donné. En entrevue sur les ondes d'AnRadioSport.com, hier également, Jean-Luc Brassard a mentionné pour quelle raison qu'il est venu à Albanel. Un programme qui a pour but de promouvoir l'activité sportive, mais en respect des uns des autres. On a vu dernièrement, il y avait beaucoup d'épisodes, entre autres d'intimidation, de gens qui, de spectateurs qui engueulaient les arbitres, qui manquaient de respect en quelque sorte. On était loin des vraies valeurs de l'esprit sportif. Alors, Guylaine Dumont, qui est une ancienne volleyeuse de plage, qui a déjà vécu des phénomènes d'intimidation quand elle-même était athlète, a parti ce phénomène-là qui s'appelle Sportaide, d'être une plateforme pour venir en aide aux gens qui en ont besoin, qui sont victimes d'intimidation dans le milieu sportif. Mais au-delà de ça, d'abord et avant tout, on avait une plateforme qui s'appelait Sport Bien-être, qui, elle, est pour donner des bons enseignements à comment se comporter entre coéquipiers, coéquipières, avec les arbitres, les entraîneurs, donner un bon mode d'emploi, finalement, pour faire du sport de la bonne façon. Alors, la tournée des écoles... La directrice générale de l'école Sainte-Lucie d'Albanel, Nadia Tremblay, était évidemment bien contente d'avoir de la grande visite hier. Effectivement, c'est tout un privilège qu'on a eu. En fait, on s'est inscrit les ambassadeurs sportifs. On pouvait s'inscrire et demander à ce qu'il y ait un ambassadeur. Donc, il y avait 4 ambassadeurs qui représentaient cet organisme-là. Donc, on devait inscrire notre école. Et puis, on a eu la chance que Jean-Luc nous choisisse, en fait. Donc, il a voulu lui-même venir à Albanel rencontrer les jeunes de notre école. Donc, c'est de cette façon-là. C'est l'enseignant d'éducation physique qui a fait la demande. Puis, on est accepté. Mais là, dans un deuxième temps, Nadia Tremblay mentionne que les jeunes, depuis les débuts des Jeux de Pyeongchang, ont fait une activité quand même très intéressante. Elle nous explique le concept. Pendant 2 semaines, on a prolongé les récréations de 10 minutes. Ah, c'est bon. Puis, on a divisé toute l'école en 5 pays. Okay. Puis, donc, on mélangeait les maternelles jusqu'aux 6e année. Puis, il y avait des épreuves à toutes les récréations. Là. Il y avait de la glissade. On représentait le bobsleigh, par exemple, pour traîner des toboggans. Là. Donc, c'est ça. Il y avait des jeux de cerceau, des jeux de course. Il y avait des médailles? C'était la fraternité. Je vous invite donc à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, on a parlé justement avec Jean-Luc Brassard. On a également parlé avec Caroline Truchon où elle analyse la course de Marianne Saint-Gelais et les derniers Jeux olympiques de la patineuse de Saint-Félicien. Également, je me suis entretenu avec la directrice générale de l'école Sainte-Lucie d'Albanel, Nadia Tremblay, et Robin Boulian vient nous parler des castors de Dolbeau. Le sport local et régional à DanRadioSport.com. La référence du sport, on s'en occupe.